Chapitre 7e. Chacun s'octroya un verre de gnôle pour se remettre de ses émotions. Par charité, et aussi comme par reconnaissance d'être enfin venu, on en offrit également à la colporteuse. « Alors c'était vous, Emma ?» commença Kerr. La femme opina de la tête. « Vous en avez tué d'autres ? Enfin, je veux dire, à part celle de l'Arche, de Josier et du Lauzet ?»« Non, » laissa tomber Emma. Un silence se fit, comme pour digérer l'information. Mais qu'est-ce qui vous a prise tout d'un coup, alors que vous passez dans le pays depuis au moins 10 ans? Demanda Gouin. La femme allait certainement raconter son histoire quand on frappa sans ménagement à la porte de Clémence. Ouvrez, dit-on au dehors, c'est la loi. Nom de Dieu, bougonna Kerr, ne manquait plus que ça. Une âme bonne, ou plutôt perfide, était certainement allée prévenir les gendarmes de l'incident. Gouin alla ouvrir. On reconnut 4 personnes, le juge, son greffier et 2 gendarmes. Sans y être invités, d'autorité, ils pénétrèrent dans la maison. « Alors, glapit le juge, vous allez m'expliquer ce qui se passe ici ?» Le fonctionnaire de la justice impériale était jeune, présomptueux, imbu de sa personne, mais certainement pas idiot. Un regard circulaire suffit à lui faire deviner ce qui avait dû arriver. Kerr se leva et prit la parole. « Je vais... »« Silence !» beugla le juge. « Vous ne parlerez que pour répondre à mes questions. » Et un des gendarmes fit un pas en avant, menaçant. Kerr frappa violemment la table du plat des 2 mains, et Gouin se planta devant le gendarme, un sourire de défi au coin des lèvres. « Nom de Dieu, monsieur le juge !» hurla Kerr. « C'est vous qui allez m'écouter. Vous qui êtes incapable de résoudre une affaire, vous qui ne savez tirer la moindre conclusion des indices qui vous crèvent les yeux. » Vous qui ne savez qu'être là, grandiloquent et inutile. Asseyez-vous, et vous, greffier, tenez-vous prêt. Nous allons continuer à faire le boulot à votre place. Emma va vous passer des aveux complets. Après, vous pourrez déguerpir avec elle. » L'auditoire comprit que Kerr était dans une humeur telle qu'on pouvait s'attendre à tout. Pendant que Clémence pansait son oreille, qui n'avait qu'une estafilade causée par un bout de mitraille, Gouin ne quittait pas des yeux les gendarmes, et son regard semblait dire « C'est dans votre intérêt. » Emma, nous vous écoutons, demanda Kerr en lui déliant les poignets. La colporteuse releva ses cheveux et les attacha en queue de cheval avec un lacet. Puis elle baissa la tête, croisa ses mains sur les genoux et se mit à parler en fixant les dalles. Oui, commença-t-elle d'une petite voix, c'est bien moi qui ai tué les 3 femmes. Avant elles, j'ai tué des hommes pour me défendre, mais jamais des femmes, et encore moins des enfants. Elle se tut, mais on attendait la suite. « Dites-nous, » intervint le juge. « Laissez-la parler, » le coupa Kerr. « Elle va tout nous dire, n'est-ce pas, Emma ?» La femme opina du chef. « Il y a 2 ans, je suis tombée enceinte. J'avais fait ça avec un ami, un qui faisait la route, comme moi, en Italie, un soir que j'avais trop bu. Quand il a su que j'étais enceinte, ce salaud m'a chassé à coups de bâton. Il m'a même volé une partie de mon stock. « Tant pis, je me suis dit. » « Ce petit, tu l'élèveras toute seule, et plus tard, il prendra ta suite. » Dans le fond, je pensais que ce n'était finalement pas une catastrophe. Un jour, un peu après Connie, où je m'étais ravitaillé en casserole, j'ai fait la route avec une troupe de Romanichel. Il y avait 2 femmes qui étaient enceintes, comme moi, mais elles, ça se voyait plus que moi. Quand nous avons attaqué la montagne, une bande de brigands nous est tombée dessus. Ils ont commencé à prendre tout ce qui les intéressait. Un des Romano a tenté de les arrêter, mais ils l'ont égorgé sans prévenir. J'ai couru me cacher derrière un gros sapin. À partir de là, le sang les a rendus comme fous. Ils ont commencé à violer les femmes, et puis, quand ils ont eu fini, ils les ont éventrées. Même celles qui étaient enceintes. Parvenue à cet endroit de son récit, Emma eut enfin des larmes qui devaient être enfouies en elle depuis des mois et des mois. Elle essuya son visage, renifla fort et continua enfin. « Vous vous rendez compte? J'ai vu les bébés qui étaient dans le ventre, tout rose, plein de sang. C'était affreux. Je me suis enfui plus loin dans les bois et j'ai prié la Madone pour qu'il m'épargne. Quand je n'ai plus entendu de cris, je suis sorti de ma cachette et je suis retourné près de mon âne. C'était horrible. Il y avait du sang partout. Ils avaient tué même les enfants. Il ne restait plus que moi de vivant. Alors je suis tombé à genoux et j'ai pleuré et prié pendant des heures. J'ai dormi là. Pendant la nuit, j'ai fait un rêve. Enfin, j'ai cru que c'était un rêve, mais en réalité, c'est la Madone qui m'a parlé. Elle était enceinte. Elle n'avait pas encore eu son petit. Elle m'a dit « Tu vois ce qu'on gagne à avoir des enfants. Tu crois que c'est la peine qu'ils viennent au monde? Tu sais ce qui est arrivé au mien, et tu as vu ce qui peut arriver aux autres. Ton enfant ne vivra pas. Tu ne le garderas pas, et tu n'auras pas de chagrin. Ne dis rien et laisse faire, ça vaut mieux comme ça. » Et puis après, elle a ajouté « Tu vas me promettre que quand tu le pourras, tu épargneras cette douleur aux autres femmes. Je te laisse les choisir. Prends celles qui sont les plus méritantes et amène-les vers moi. Il n'y a qu'avec moi qu'elles et leurs petits seront en sécurité et en paix. » Le lendemain, j'ai enterré les corps comme j'ai pu. Quelques jours plus tard, j'ai perdu mon enfant comme l'avait annoncé la madone, et j'ai repensé à ce qu'elle m'avait dit. Comment fallait-il que je fasse pour lui amener celle que j'avais choisie? Je ne devais pas leur faire de mal, ni encore moins répandre le sang. Alors j'ai fait comme vous avez su. Je les empêchais de respirer pendant un moment et après, quand elles étaient bien calmes, je les emmenais dans ma carriole et les déposais dans l'église, devant la madone. Quand je pouvais, je leur mettais des fleurs et j'allumais un cierge. Personne ne parla pendant un moment. Seule la plume du greffier griffait le silence en même temps que le papier. Les visages de Clémence et d'Augustine étaient baignés de larmes. Quelqu'un a failli être accusé à votre place, dit enfin le juge d'un ton tout radouci. Je sais, s'il avait été condamné, je me serais dénoncé. Le petit juge venait de prendre une grande leçon d'humanité et de procédure judiciaire. Comme il était loin d'être idiot, il mesura à quel point il avait pu s'égarer et voulut reprendre la place et la contenance qu'il aurait toujours dû garder. Docteur et vous, monsieur le maire, je dois vous présenter des excuses. Je me suis conduit comme un jeune homme, continua Kerr avec un sourire. « Et c'est bien normal. À votre âge, j'ai fait bien pire. J'étais imbuvable. »« Et moi de même, » renchérit Gouin. « Je vous rappelle que vous n'avez pas hésité à tirer sur ces deux messieurs, au risque de les assassiner aussi, » ajouta le juge à l'adresse d'Emma, sans agressivité. « Il faut m'excuser, surtout pour le maire. Je voulais leur faire peur et qu'ils me lâchent, mais je ne voulais pas les blesser. J'ai tiré en l'air vers la façade de la maison. » « Croyez bien que si j'avais voulu les tuer, ils seraient morts tous les deux maintenant. »« Emma, » demanda Gouin, « ce massacre que vous nous avez raconté, il a eu lieu le 5 de quel mois ?»« Le 5 avril, il y a 2 ans. J'étais tombée enceinte en décembre de l'année d'avant. » Par commisération, Clémence tendit une tasse de café à Emma et lui toucha furtivement la main. La pauvre femme en avait trop vu, et cela lui avait tourné la cervelle. Elle avait l'air apaisée, comme si elle était enfin débarrassée d'un fardeau trop lourd à porter, comme si sa folie l'avait enfin quittée. « Et jusqu'à quand auriez-vous continué ?» demanda Kerr. « Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule femme enceinte dans le pays ?»« Elle, » fit-elle en désignant Augustine de la tête, « serait été la dernière. C'était à chaque fois de plus en plus dur. »« Mais dites-moi, messieurs, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ?» interrogea le juge. Kerr, aidé de Gouin, expliqua au juge le faisceau des présomptions que chacun avait réunies de son côté en s'efforçant de rejeter la culpabilité de la colporteuse qui s'imposait pourtant à eux. « Bien, » finit par conclure le petit juge, « nous allons emmener l'accusée puisqu'elle a fait des aveux complets. Je crois que monsieur le procureur va être content, » ajouta-t-il avec un sourire en coin. L'épilogue fut bref et se passa si vite que tous en restèrent médusés. Emma, profitant de la détente générale, bondit sur ses pieds et se rua sur un des gendarmes dont elle arracha l'arme passée à la ceinture. Puis, se tournant vers une gravure qui représentait une vierge à l'enfant, au-dessus de la cheminée, elle se tira une décharge de pistolet dans le visage. La détonation paralysa les assistants, et aucun d'eux ne fut épargné par la pluie de gouttelettes sanglantes qui aspergea la pièce. Ce fut horrible. Clémence poussa un hurlement et tomba à genoux, autant de désespoir que d'horreur. Le corps d'Emma fut discrètement porté sous une toile, et 2 jours plus tard, on l'enterra dans le plus grand secret. Son âne fut confié à un éleveur, et on démantela sa charrette. L'affaire ne s'ébruita donc guère, pour éviter que la populace en fît son miel, et qu'elle en alimenta les veillées hivernales. Pour tous, Emma la colporteuse avait été transférée à Aix-en-Provence, et l'on n'entendit plus jamais parler d'elle. Fin de Les offrandes à la Vierge.